Il nous reste à voir le cadeau de l'Union, c'est-à-dire les aides et les subventions européennes. Ça ne vous aura pas échappé, il y a bien un point d'interrogation. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, il y a une contrepartie à ces subventions, c'est de faire la publicité de l'Union. Pour chaque aide, on dresse le drapeau européen. C'est pour ça qu'il y en a autant sur nos bâtiments publics ou lorsqu'on fait des grands travaux. Alors il est vrai que nous recevons différentes aides de l'Union européenne. La PAC, la politique agricole commune, le FSE, le Fonds social européen, le Fonds FEDER pour les entreprises et les formations. Mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est le second contributeur net de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on donne plus à l'Union qu'elle nous en reverse. Dès qu'il y a de l'argent distribué quelque part par l'Union, c'est-à-dire en Grèce ou même en Ukraine, malgré son gouvernement composé d'un tiers de partis néo-nazis, eh bien 16% sont payés par la France. Chaque année, la France donne à peu près 24 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous rend de notre argent à peu près 15 milliards, les fameuses aides qu'on vient de voir. Et lorsqu'on fait la balance, la France perd 9 milliards. Alors, lorsqu'on perd 9 milliards, est-ce qu'on peut dire que l'Union nous donne des aides? Certains même disent que si nous quittions l'Union européenne là, maintenant, nous pourrions donner les mêmes subventions à tout le monde, mais que nous aurions en plus 9 milliards par an pour aider nos écoles, nos hôpitaux et nos services publics. Par contre, ce qui est plus sûr, c'est que le véritable cadeau de l'Union européenne, mais à l'envers, c'est une inflation normative. De plus en plus de normes sur tout. Ce sont les fameuses normes européennes.